Hola, ¿qué tal? Soy Nina, la cantante de Morgan, y os mando un saludo a todos los oyentes de Strawberry. Sí. On est trois comme les mousquetaires. Aucune nouvelle de D'Artagnan, trois comme les couleurs primaires. Sur le podium, on partage l'or, le bronze et l'argent. Le nombre de pattes qu'on aimerait casser au canard. On t'exocin, veut chacune, on est des faits connards. Le grand méchant loup est mis au frais chez l'une de nous. On est trisophrène constitué de cellules chelou. Trois petites meufs en pleine tempête sans maîtrise. Un triptyque neuf qui se complète comme un Tetris. Extrême satire, issue d'une bataille sur Vénus. Mais chacune de nous protège les autres comme des poupées russes. Comme des poupées russes, comme des poupées russes. Comme des poupées russes, comme des poupées russes. Comme des poupées russes, comme des poupées. Buenas noches, comienza Strawberry Fields en vuestra radio libre y comunitaria de Toledo. Esto es Onda Polígono y por delante nos queda una hora de la mejor música en este especial de Eli J. On est paresse qu'en apparence, et si tu le penses, c'est de la paresse. Trois pour tous et toutes pour trois. Le résultat n'évolue. Saludamos a todos los que nos escucháis en directo a través del 107.3 de la FM o en la web en ondapoligono.org. También, por supuesto, a los que nos escucháis en nuestro blog strawberryfields7.blogspot.com. Mauvaise humeur, on a plus dire qu'on ne valait rien. Au-delà du mur, on se forge des caractères, on a ses valériens. Tu nous connais, attends-toi, un maudit coupé de plus. Ils seront trois inséparables comme des poupées russes. Comme des poupées russes, comme des poupées russes. Hoy sobre las 11:20 contaremos también con nuestro colaborador Álvar Kelsen en la sección 1 más 1. Comme des poupées russes, adversaires du monde entier comme les légionnaires sous pieds. Comme des poupées russes, comme des poupées russes. On est pas russes qu'en apparence, et si tu le penses, c'est de la caresse. Comme des poupées russes, comme des poupées russes. Adversaires du monde entier comme les légionnaires sous pieds. Comme des poupées russes, comme des poupées russes. On est pas russes qu'en apparence, et si tu le penses, c'est de la caresse. Nous aucun jour de grève. Si la première chute, la deuxième la rattrape, la troisième la relève. Chut, on tripe, faudrait qu'on montre qu'on trime. Chut, on tripe, faudrait qu'on montre qu'on trime. Chut, on tripe, faudrait qu'on montre qu'on trime. Chut, on tripe, faudrait qu'on montre qu'on trime. Comme des poupées russes, comme des poupées russes. Adversaires du monde entier, comme les légionnaires sous pieds. Comme des poupées russes, comme des poupées russes. On n'est pas russes qu'en apparence. C'est de la caresse. Des poupées russes comme des poupées russes. Adversaires du monde entier comme les légionnaires sous pieds. Des poupées russes comme des poupées russes. Abrimos este especial con la canción Poupées Russes, que es la que da título al último trabajo de Eli J, publicado el pasado mes de junio de este año 2018. Nos vamos ahora hasta el 2015, una canción que viralizaron en redes sociales y en YouTube y que supuso el salto a la fama internacional. Es una selección de las mejores canciones del verano del 2015, se llama así, Summer 2015, y bueno, pues os dejo que lo escuchéis con su particular estilo Eli J. Lo podéis encontrar en su trabajo primero publicado en Up and Down, el álbum. Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? First name is free, last name is dumb. Choose to believe in where we're from. Freedom! Let go. c'est comme ça qu'on beat in my drum like dum dum dum day. I love the dirty rhythm you play. I wanna hear you calling my name like hey mama, mama, hey mama, mama. Beating the drum like dum dum dum day. I know you want it in the world's way. I wanna hear you calling my name like hey mama, mama, hey mama, mama. Be my woman, girl, I'd be your man. Be my woman, girl, I'd be your man. Pourtant je fais bouger les têtes, tu connais mes textes, connais pas ma technique, bec pété qui je vise le bingo. Lingo, éviter les bimbo, mat mon équipe, ça fout les boules, ouais, ça les dégoûte. Car nous on déboule comme des fous dans la foule, mais on passe assez cool. Toi tu restes à l'écoute, on se serre les coudes, ils nous prennent pour des fous. J'suis pas un gangsta, pas la peine de mentir, j'suis comme toi. Sem, sem, sem. Un gangsta, pas la peine de mentir, j'suis comme. Leg, también llamado L.E.J., que viene de las iniciales de los nombres de sus integrantes, Lucy, Elisa y Juliette, es un grupo de tres jóvenes músicas y cantantes francesas que utilizan sus voces, la percusión y el violonchelo como elementos principales en todas sus composiciones. Myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. I'm in love with the cocoa. Las tres nacieron en 1993 en Saint-Denis y son amigas desde la infancia, aunque es en 2012 cuando deciden comenzar a tocar juntas. Su primer disco, que contiene composiciones propias, se llama Poupées Russes, publicado este pasado mes de junio de 2018, y actualmente se encuentran realizando la promoción del mismo, ya que a finales de este mes comenzarán la gira que les llevará por todo Francia y por diferentes países. En Facebook podéis manteneros informados en su página, para ello solo tenéis que poner l.e.j. en el buscador y las veréis fácilmente junto al check verificador de que es su página oficial. En Twitter la localizáis como arroba Lucy, Elisa y Julie. Todo junto, Lucy, Elisa, Julie. Vamos con otra de las canciones de este último trabajo. Se llama La Nuit. La nuit on dort pas, on danse. Et quand on danse pas, on pense. On cherche des réponses à toutes ces questions qu'on ne pose pas. Pourquoi t'es sorti si tard? Simplement pour faire plaisir à d'autres. Pour compter tes verres sur le bar. Et passer pour le con qui radote. Tu danses mais t'aimerais t'asseoir. La tête haute, ne pas être celui qui se vautre. Tu feras pareil demain soir. Tu t'en vas, tu lèves ton verre et à la vôtre. Pourquoi t'es sorti si tard? Même le sourire de celle dont tu regardes le hue. Pas seulement croiser son regard. N'empêche pas les doutes, t'as juste retardé le truc. La nuit on ment, on prend des trains sans savoir où ça nous mène. La nuit on ment, on prend des trains à travers la plaine. La nuit on dort pas, on danse. Et quand on danse pas, on pense. On cherche des réponses à toutes ces questions qu'on ne pose pas. Un verre ou deux, on verra bien. T'es moi, t'es vide, le verre à moitié plein. Pourquoi t'es sorti si tard? Pourquoi t'es sorti si tard? Tu ne comptes pas les moutons. La nuit, tu les dessines comme un saint exaspéré. T'attends que le petit prince se décide. La nuit est enfilée à toute vitesse, on se doit séduire en finesse. C'est en tirant sur des spiffs que les Loch Ness. On sait pas si on existe, on esquive, on enquête. Allez encore une petite, on se rend incorruptible comme Elliot Ness. On esquive, on n'écoute pas parler stick. Qui est-ce qui m'incite si la danse s'esquisse? On invite l'estime, on vise l'exquis. Comme des cons complets dans des phrases du style à la mode. La nuit on dort pas, on danse. La nuit. La nuit on dort pas, on danse. Et quand on danse pas, on pense. On cherche des réponses à toutes ces questions qu'on ne pose pas. La nuit on dort pas, on danse. Et quand on danse pas, on pense. On cherche des réponses à toutes ces questions qu'on ne pose pas. Danse pas. I'm not afraid to die. Las cantantes Lucie Lefranc, Elisa Paris y la chelista Julia Simon comparten desde siempre su pasión por la música. Juntas formaron parte del coro de Radio Francia y muy pronto adquirieron los conocimientos en la música clásica, que es la base de sus composiciones junto a géneros como el hip hop o el rap. Este verano, además, han sacado fuera de su trabajo esta canción que estrenaron en las celebraciones del Mundial de Fútbol, que la ganó Francia, Liberté, Égalité, L.I.J. On pensait jouer en 4-4-2, oublier le 4-9-3. 4-9-3. On est tous devant le même écran, mais on se regarde pas. Pousse-toi, pousse-toi. De ceux qui s'en foutent à ceux qui ne vivent que pour ça. Tous là, tous là. Ça le peine, mais même Marine retweet Pogba. Pousse-la, épouse-la. On attend que le juge de touche lève son drapeau blanc. Pousse-toi, pousse-toi. Et serré en bas des champs, on dira liberté, égalité, Mbappé. Liberté, on écrit ton nom sur des ailes de pigeon. De nul à égalité, on a tous la même religion. Tous là, tous là. Le temps est réglementaire, ça jusqu'au tir d'obus. Mais tout ça n'est pas une guerre, je crois que t'as juste trop vu. Pousse-toi, pousse-toi. On a pris trop de cartes, on veut une place sur le banc. Sur le banc. Et serré en bas des champs, on dira liberté, égalité. Mbappé. Mbappé. Mbappé. Changer l'époque, changer l'époque. Faut que le monde sache que même dans la mer chante les coqs. Pousse pas, pousse pas. Bomber le torse pour contrôler un centre qui vient de la droite. Ou être en retrait pour avoir les réactions adéquates. N'Golo Kanté. Si le changement c'est maintenant, je crois qu'il est temps de s'y mettre. Tous là, tous là. Fini le libre arbitre, désormais la barre règne en maître. Quittons-nous en chantant, plus on attaque, mieux on se défend. Et serré en bas des champs, on dira liberté, égalité. Mbappé. Mbappé. Mbappé. Liberté, égalité. Mbappé. Mbappé. Mbappé. Liberté, égalité. Mbappé. La gaule à la gueule de bois et ça va changer l'époque. Sache que même dans la merde chante les coqs. La gaule à la gueule de bois et ça va changer l'époque. Mbappé. Mbappé. Mbappé. Liberté, égalité. Mbappé. Mbappé. Mbappé. Liberté. Son numerosas las colaboraciones que han hecho antes de publicar su primer álbum con canciones propias. Una de ellas, junto al grupo que protagonizó el Strawberry Fields de la semana pasada, Boulevard de Ser, Emen et Moi, aquí están L.E.J. Comme un grain de sable perdu dans l'océan. J'ai perdu mon cartable, j'ai perdu mes parents. Je suis comme l'eau des courants, fatigué d'ignorer. Si je coule dans le vent, si je fais que passer. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Je suis comme les autres. laissé tomber. J'suis comme rempli d'espoir. Ce matin je renais. Emmène-moi près du phare. Allons jusqu'au rocher. Emmène-moi voir la mer. Fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs. Aime-moi dans le vent. Emmène-moi voir la mer. Fais-moi voir l'océan. Y tras esta colaboración junto a Boulevard de Sage en Emenemois, nos vamos de nuevo a su nuevo trabajo Poupée Russe en este tema, Acrobat. Assieds-toi, je t'invite. J'ai un jeu qui pourrait te plaire. Repoussons nos limites. Si tu ne choisis pas, je te resserre. Assieds-toi, je t'invite. J'ai un jeu qui pourrait te plaire. Repoussons nos limites. Si tu ne choisis pas, je te resserre. Dis-moi ce que tu préfères. Être le sosie officiel de Trump. Le sous-officier d'Hitler. Dis-moi et tant pis si tu te trompes. Oui, dis-moi ce que tu préfères. Bouffer de la terre, tomber de haut. Ou attendre patiemment la guerre. Et qu'il bafoue nos idéaux. La vie défile vite. On s'épuise à trop se battre. Viens, on défile vite. Acrobate. D'un pervers ou à jamais amoureuse que de toi. Oui, dis-moi ce que tu préfères. Des aventures avec une infidèle. La routine avec une fille ordinaire. Sans jamais n'avoir envie d'elle. Dis-moi quitte à tout remettre en cause. Boire pour oublier qu'elle t'oublie. Dans un verre de rouge, la vie est-elle si rose. T'étais pas avec elle, donc t'étais où samedi. La vie défile vite. On s'épuise à trop se battre. Viens, on défile vite. Dans les médias, c'est parce qu'ils ont peur pour nous ou pour qu'on vive dans l'immédiat. Oui, dis-moi ce que tu préfères, être incompris ou ne pas le mériter, qu'on ne t'écoute pas ou qu'on te fasse taire. Dis-moi action ou vérité, dis-moi ce que tu préfères. Dis-moi ce que tu préfères. Dis-moi ce que tu préfères. Dis-moi, oui, dis-moi ce que tu préfères. Puis à trop se battre, viens, on défile vide. En otoño de 2013 deciden participar en un concurso organizado por el grupo Trio, resultando ganadoras del mismo, lo que les permite presentarse en el escenario junto a ellos. Es entonces cuando deciden su nombre como grupo. El 27 de enero de 2014 participan en su primer directo de la radio en el programa Nosotras Hablamos Sobre, de la cadena F2X Radio. En octubre de ese mismo año participarían en el Festival Promo, firmando posteriormente un contrato con Live Nation Entertainment, lo que les llevaría a telonear a Pharrell Williams el 22 de junio del año 2015 en Mónaco. Vamos con otro de esos covers maravillosos que encontramos en el primer álbum publicado en Attendant l'album. Esta canción se llama Jimmy y es un cover del grupo Moriarty. Grass is green. what you are. The buffaloes used to say, roam where you roam. The buffaloes used to say, do what you do. Well, you gotta have a wash, but you can't clean your name. You know, call Jimmy, you'll be Jimmy just the same. The kids are in a bag, in a chest by the door. One of Jimmy's friends has taken on the floor. Jimmy, won't you please come home? Where the grass is green and the buffaloes roam. Dear old Jimmy, you forget you're young, but you can't ignore the buffalo song. Hemos tenido un pequeño problema técnico y no va a ser posible la entrada de Alvar Kelsen en la sección 1+1, que sí que estará con todos vosotros el lunes que viene. Así que me pide que disculpas, ¿no?, por no poder entrar hoy, pero bueno, la semana que viene volverá en esa sección de deporte en 1+1 el gran Alvar Kelsen. Hoy seguimos con Eli J. Ahora volvemos al mismo trabajo, a Nintendan, el álbum, para escuchar este El Dulce de Leche. Le fumet de la viande, la confiture de lait. Il n'avait pas idée, on dira inconscience, à quel point lui coûtait d'être bloqué en France. Rejoindre le pays, l'odeur de l'orchidée, le temps n'a pas enfoui. El dulce de leche. Il faudra reprendre la route, devenir français coûte que coûte. Réfugié dans un tiroir où passe le temps, on garde espoir. C'est ça, être français. Il n'avait pas conscience, comme peuvent marquer les blessures de l'enfance. Une larme à Paris, une rose pour Pinochet. Le temps n'a pas enfoui le palais d'Allende, comme il avait souri en parlant de la France. Il raconta sa vie, ses années de silence, les tonnelles en fleurs, le sang sur le pavé, le départ pour l'ailleurs, el dulce de leche. Parcours de l'errance, le premier. tient par la main. Elle a mis on y est, la famille, les copains, la confiture de lait. Il faudra reprendre la route, devenir français coûte que coûte. C'est ça, être français, j'en doute. Tras abrir el concierto de Pharrell Williams ese 22 de junio del 2015, su popularidad comenzaría a crecer junto a sus apariciones en redes sociales y en YouTube. El 1 de agosto de ese año 2015 publicaban el vídeo de la canción que escuchábamos al principio, Summer 2015, que interpretan como un mashup de las canciones del verano de ese año. El éxito fue inmediato, apareciendo en la revista estadounidense Time y en otros grandes medios de comunicación franceses e internacionales. En 2016 repetirían con un mashup de las canciones de ese verano. Lo escuchamos, Summer 2016, L.E.J. Rufus, let me love in Bali. I just know. Rufus, let me love in Bali. You used to call me on my. Rufus, let me love in Bali. You used to, you used to. You used to call me on my. It's me. Girl up in my tea. I was wondering if after all these years I'd like to meet. Miss you in the basement. To go over her everything. Self-love. They say that I'm supposed to heal ya. But I am the nurturing panda. Oh, panda. And just up, fall up, above. You know you make my world light up. When I was up, when I was hurt. They say that I'm supposed to heal ya. But I am the nurturing. I know when the hotline bling. Hello from the other side. Volvemos a su nuevo trabajo, Poupe Rousse, para escuchar la canción Miss Monde. Plus jalouse et vos Miss Monde, ne plus voir ce que vos Miss Monde, vide de ton compte devant ta caisse, et viens on se casse, pareil je t'aime et je pars quand même, je paye ma dédicace. Juste kiffer, ne pas penser qu'au pire, pas justifier les fautes sur la copie. Être libre et rire, un pied né à l'empire. Prendre du plaisir, ne vivre que d'utopie. Ne plus se méfier de ce qui arrivera. Le qui vivra verra, on s'y fera. Ne plus donner sens à l'incompréhensible. En contradiction comme un assassin sensible. Se taper pour ce que l'on croit. Ne pas le regretter dans une caisse en bois. Ne plus réfléchir même si c'est facile à dire. Et ne plus jalouser vos vomissements. Ne plus voir ce que vos vomissements. Et ne plus jalouser vos vomissements. Ne plus voir ce que vos vomissements. Ne plus jalouser vos vomissements. Ne plus voir ce que vos vomissements. Ne plus jalouser vos vomissements. Ne plus voir ce que vos vomissements. Vide ton compte, vends ta caisse et viens on se casse. Paris je t'aime et je pars quand même, je paye ma dédicace. On bouge ce soir même si on est sorti toute la semaine. Pour prendre l'air j'en ai passé sous la semaine. Pour partir ailleurs là où la chaleur des habits. Voler l'encre des tatoueurs, inverser le sens des aiguilles. Brûler phones et journaux, faire d'une pierre deux coups. Se déconnecter des réseaux pour être fier de nous. Ne plus penser taf, ni la beurre. Faire le tour du monde en cap sans le beurre, ni l'argent de beurre. Ne jamais arrêter de jouer quand l'arbitre sifflera. Le qui vivra verra, je suis persuadé qu'on sifflera. Plus jalouser vos vomissements. Ne plus voir ce que vos vomissements. Et ne plus jalouser vos vomissements. Ne plus voir ce que vos vomissements. Ne plus jalouser vos vomissements. Ne plus voir ce que vos vomissements. Ne plus jalouser vos vomissements. Ne plus voir ce que vos vomissements. Devant ta caisse et viens on se casse. Paris je t'aime et je pars quand même, je paye ma dédicace. Et viens on se casse, Paris je t'aime et je pars quand même, je paye ma dédicace. Paris je t'aime et je pars quand même, je paye ma dédicace. En diciembre de 2015 publicaban su primer trabajo en Attend Down Album, que en español sería algo así como A la espera del álbum, que incluye 11 canciones, entre ellas su hit de aquel verano, más versiones de otras canciones y una composición propia, La Dal, que la escuchamos a continuación. Que t'as sur tout ta pas le temps de m'asseoir. Je m'arrangerai, servez-la moi sur le comptoir. Sans menu ni couvert ni phare ou épicé, j'en parlerai la bouche pleine. Ou trop léger, je ne serai pas à la peine. Un regard, une main, et chaque fois le même refrain. Ce souffle chaud, ostinato sur les lèvres. Je la prendrai à point. À point, je la prendrai à point. Tourner du bout de mes doigts toute naïveté sans vouloir t'offenser. Tu ne resteras que mon encas. J'ai la dalle ce soir. Si tu sers mes envies, t'auras un pourboire. Je suis sûre de moi, tu vas des hop hop. Pas le temps de m'asseoir. Besoin de protéines à n'en plus pouvoir. T'es feuilleté pour mieux te La louca chair du moment qu'elle est tendre. Attendre, je veux déguster lentement, non. en mastiquant, mastiquant, je fais le régime du camp. Et la cuisson, c'est comment? Je la prendrai à point. À point. Je la prendrai à point. Desde la publicación de este álbum de versiones en Attendance Album, no han parado de colaborar junto a otros artistas y de realizar conciertos por diferentes países y festivales por todo el mundo, hasta que en 2017 se pusieron a grabar su segundo trabajo, aunque sí que era el primero realizado íntegramente por composiciones propias. El tema de las canciones de su último álbum tocan el feminismo y otros temas como el acoso callejero, sexo, redes sociales o el sentido de la vida. En palabras de ellas, el feminismo es solo igualdad. Nuestro punto de vista como mujer no es un reclamo, no nos vemos dando lecciones o moralizando a nadie. Lo que hacemos son declaraciones sencillas de entender. Pues vamos a escuchar este otro tema de su último trabajo, Poupée Russe, Parego. Début, rebout, face, un rébus, c'est décidé. Je ne te parlerai plus. Ah ouais. Par ego, je me suis mise debout, insoumise, pour que l'on ne puisse me toucher. Ah ouais. Par ego, mes sentiments sont bruyants. Et quand on s'embrouille, je suis le brouillon d'une femme parfaite au sang bouillant. Pas être effacé par nos anciens amants. Tu m'attires, je te repousse comme un aimant. Je prétends que je n'ai pas d'orgueil, mais la force de Cersei. Pourtant mon cœur gueule et quand tu le serres, paraît que ce sont nos cerveaux qu'on atrophie. Ah ouais. Trop vite on s'en va, mon sourire angélique que tu dissimules, dissimule des mécaniques endiablées. Et si un soir devant le foot tu me dis d'aller me faire foutre, je suis capable d'y aller. Ah ouais. Et par ego, de par ego, tu parais gros que par égal, mais par égro qu'avec un arbitre par égalo, on ne partage pas à par égal. Ah ouais. Et tu penses que tu compenses en étant complaisant, plaisante sur le fait qu'on pense tous nos tourments. Tu veux que je me calme, donc je cale ici le feu qui crame mes entrailles. Paraît que ce sont nos cerveaux qu'on atrophie. Ah ouais. Par égo, on triche dans le miroir, on se regarde que de profil. Ah ouais. Par égo, paraît que ce sont nos cerveaux qu'on atrophie. Ah ouais. Se venger et les menaces de demain. Puis sur ma colline d'espoir, j'ai vu les frérots danser. J'ai vu, j'ai perdu. Tous deux fils d'orgueil vêtus. L'ange de sécu t'es tu me nommes et j'ai dû recommencer. Dans le reflet de la médaille, dans le revers du miroir. Mon amour dans un tiroir, mon grain de sel dans la négo. Tous les matins c'est fuego, c'est moi et moi dans l'histoire. Je dévale les pistes noires et j'écrase un projet par mégot. J'ai dû rayer des humains de ma vie. Surpris avant de chuter, à amputer mon livre de famille. Premier à crier au petit loup pour éviter que ça brille. Dernier à prier pour l'or, même si c'est vrai que ça brille. Reste ma conscience, truquer les votes et plaider l'évolution. J'ai fait le tour des excuses, épuisé tous les totems. Attise le feu des problèmes, étouffé les solutions. Seigneur, ce n'est pas une révolte, c'est une révolution. Tiens tout. Vamos ahora con otro cover. Aquí este es de la canción Don't Let Me Down de los Chainsmokers, del cover que realiza el grupo Wasp, en el que colaboran L.E.J. junto a Pom y Jit. Esta canción se la quiero dedicar a la persona que ha hecho posible este especial, a mi buen amigo Brian, que me ha descubierto un grupo maravilloso. Vamos con este Don't Let Me Down. Dejamos un poquito de lado los covers y nos centramos en su último trabajo, Poupe Rousse, que son todo canciones propias. Esta canción se llama Le Verbe. Je me réveille, je veux du silence. Lui seul sait m'écouter. Il n'y a qu'en lui que j'ai confiance. En termes de conseils, beauté. On aimerait que je me taise, mais je ne me vais que du verbe. La lumière du mot, c'est dans la note qu'elle devient réverbe. Je m'offre à lui nu comme un ver qui n'est pas alexandrin et lui parle avec une voix qui se marie avec son grain. Je me pars de laine, lui parle des vers de Verlaine. Je le fil électrique, il aime mes va-et-vient. Rouge à lèvres au sourire blanc, rimmel bleu méthylène, lui sait que sous mes bonnets, je rêve de toi, phrygien. Dans mes vieux habits, multiples propositions, aucun article n'est défini. Je lui parle, il ne répond pas, c'est une drôle de séduction. Le paradoxe, c'est que de ça, je sais faire abstraction. C'est de lin et de coton qu'il compose ses oraisons. Quand il réfléchit peu, il me croit sage comme une comparaison. Mais moi, je serai plus qu'une anacolute, je serai une anaphore. Tant pis si je pléonasme, il nie ma morphologie d'enfant. Sous prétexte qu'on est belle, être polyester. Les compliments circonstanciels, lui, il ne sait pas les faire. Sous prétexte qu'on est belle, faudrait être polyester. Les compliments circonstanciels, lui, il ne sait pas les faire. Face à son œil de verre, je vocalise des cœur de métal dérobe les formes de ma robe qui plissent. J'enfile comme des métaphores mes cols enfilés. Et il plaide la folie tout au long de mon défilé. Il m'épuise à ne pas parler, à rester de glace pourtant. Dans la chaleur de mon souffle, ce sont des cœurs que je lui trace. J'aimerais que l'image qu'il renvoie ne puisse pas s'estomper. Qu'il me dise que je suis belle car je ne peux pas le laisser tomber. Sous prétexte qu'on est belle, faudrait être polyester. Bueno, vamos llegando a la recta final de Strawberry y bueno, la última canción que hemos que os queremos presentar de este Poupée Rouge se llama La Marée y suena así de bien. Étrangère à ce que je vois, ça me renvoie dans mes tranchées. Je ne comprends plus rien malgré toutes mes études. Pourtant cartésienne, mais au-dessus du vide penché. L'optimiste pourrait disparaître dans le triangle des Bermudes. Bras tendus, boulet au pied, je bascule à cause de l'Est. Debout seul et déboussolé, bercé par une chanson de gestes. En tête de proue, en proie au doute, j'enlève la cape de bonne espérance. Et si mes rêves clandestins dans la saute étaient en train de quitter la France? Mes livres sont vierges, mais leurs pages sont cornées. Je ne distingue plus le nord du sud. Mes livres sont vierges, mais leurs pages sont cornées. Les abscisses sont désordonnées. À ce stade, la mer est calme, mais qui sait pour combien de temps. La peur nous terrasse depuis qu'ils se battent en clan. À ce stade, la mer est calme, mais qui sait pour combien de temps. La peur nous terrasse depuis qu'ils se battent en clan. Sur une vague bleue nuit, la jungle, les neurones noués comme les lianes aux branches. Les fausses fleurs des magiciens fans, ils n'ont plus de colombes sous la manche. Pendant que nous rêvons à régner et à tisser nos toiles, la nuit gisse la voile pour rebaptiser les étoiles. Les poids sur mes épaules, pas plier. Sur la carte au trésor, rares sont les indices qu'ils bâtissent l'enfer. Je ne tomberai pas dans leurs abysses. Il faudra m'y jeter, pans et voiliers. Je chanterai pour que les cordes raidissent. À gorge déployée pour Corphée m'entende mieux que Eurydice. Mes livres sont vierges et leurs pages sont cornées. Les abscisses sont désordonnées. À ce stade, la mer est calme, mais qui sait pour combien de temps la peur nous terrasse depuis qu'ils se battent en clan. À ce stade, la mer est calme, mais qui sait pour combien de temps la peur nous terrasse depuis qu'ils se battent en clan. Sur une vague rouge sang, les optimistes se bousculent, les abscisses sont désordonnées, l'ordre donné fait la bascule. Sur une vague rouge sang, les abscisses sont désordonnées, l'ordre donné fait la bascule. À ce stade, la mer est calme, mais qui sait pour combien de temps la peur nous terrasse depuis qu'ils se battent en clan. À ce stade, la mer est calme, mais qui sait pour combien de temps la peur nous terrasse depuis qu'ils se battent en clan. À ce stade, la mer est calme, mais qui sait pour combien de temps la peur nous terrasse depuis qu'ils se battent en clan. À ce stade, la mer est calme, mais qui sait pour combien de temps la peur nous terrasse. Ya nos vamos hasta 2016 en un pequeño álbum de tres canciones que se titulaba Christmas Hors de Vrai para escuchar esta versión, que Sound of the Silence. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. That was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my color to the cold and damp when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dare disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Like a cancer grows. Hear my word that I might teach you. Take my arm that I might reach out to you. Burn my words like silence raindrops fell and echoed in the words of silence. People bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the world that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls and whispered sounds of silence. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again. because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sun. Bueno, ya llega el momento de despedir. Se acaba el Strawberry Fields por hoy. El próximo lunes volveremos. Os dejo con otro de sus mashup más aclamados y más populares en YouTube. Este hip hop mashup. Que bueno, un mashup, pues para quien no esté familiarizado, es una creación de una nueva canción a partir de trozos o de pedazos de otras canciones. Así que nada, disfrutar de este hip hop mashup con Eli J. Y el próximo lunes volvemos a las 11 aquí a Strawberry Fields en Onda Polígono. Ha sido un placer. Sed felices. Come on, everybody, get on up, 'cause you know we got to get it crunk. Eddie J's in the spot tonight, 'cause I'ma make it feel right. Come on, baby, just party with me. Let it loose and set your body free. Leave your situations at the door. So when you step inside, jump on the floor. Music is odyssey. It's it for you, for me. Just listen, find the magic key. It's only gonna be about a matter of time before you get loose and start to lose your mind. Cup you a drink, go ahead and rock your eyes, 'cause we're celebrating no more drama in our lives. Let's get it started, ha. Let's get it started in here. Let's get it started, ha. Let's get it started in here. People from the front to the back, not back, not now. Who think their arms are long enough to slap, but slap, but they said I rap like a robot, so call me rap, but rap, but you ain't normal to be normal. And I just put a new wagon from the future, just come and shoot your life when bubbles make way, jam up. 'Cause pops they look like a fan of me with a span, singing to a man, way play piano. Man, oh man, that was a 24/7 special on the cable channel. So Richie went straight to the radio station the very next day. Hey, fam, I'ma kill you. Lyrics coming out, you're a supersonic BJJ first. Suma numa duma numa, you are streaming at me, man. What I gotta do to get to three, I'm superhuman. Innovative and I'm in a purpose, suddenly things is ricocheting off of me and I will go to you. Devastating, what I never demonstrate you how to give a motherfucking audience a feeling like self-hating. Never feeling it, another head to suffer, ever waiting for the day that they get sick, full of them celebrating. I'm beginning to feel like a rap god, rap god. All my people from the front to the back, not back, not now. Who think their arms are long enough to slap, but slap, but they said I rap like a robot, so call me rap, but my tears gone cold.